Ah, rien. Yeah, yeah, yeah, game. Quoi? J'ai rien, pas un rond, je compte sur mon son. Plus j'attends, plus je pète les plombs. Ma vie parsemée de faux plans. Mes poches vides se rempliront quand, grâce à qui? Je verrai des grosses miasses de billets, faut pas rêver. Se laisser emporter par un navire, faire une virée, se voir en naufrage, dire dommage après. Crever, se rendre hommage, comment faire quand t'es tout seul dans l'inconscience? Patience, ma science fera effet. Rappeler jusqu'à que je sois essoufflé. Fuir de voir mes chevilles gonflées par la même occasion, mais j'ai troué. Parce que pour le hip hop, j'aurais tout donné. J'ai été même jusqu'à me faire renier. Maintenant, objectif régné. Manier le mic mieux que n'importe qui, faire fermer. Les trous de fesses leur montrer. La vérité en face, les voir se confesser. Avouer pour être dévoué, crier Dieu soit loué. On est tous liés, mais avec des différences qui font qu'illégal est l'égalité. J'échangerai bien mes poches vite contre des plaines. Comme ça, j'arrêterai de me plaindre. Mon cylindre rouille, donc il faut que je grouille. Car trop rapidement, j'ai faim, je grille. En plein hiver, retournement de situation à faire à l'envers comme le monde. De nos jours, j'aime l'impère. La responsabilité, la femme la reprend. Drogue, drague, transformation, drag queen. J'accumule les lignes de rime comme un tox de coke. Passe-temps pour l'instant, ça m'aide à rester constant. Avec les riches distants, car je suis éloigné tout seul pour me soigner. Survie casse-dalle sur casse-dalle pour combler ma faim enragée. Intoxiqué, situé dans la cité. Excité, qui part en vrille, accélère, broum, spit, attitude impulsive, puis de loin. Dans le cours présente celui qui a rien. Tu croyais que c'était la fin, mais dans le fond, maintenant la morale, si je râle, c'est que ça roule pas. Hey yo, c'est que ça roule pas. Yo, un. Environnement sourd face à ma dèche. Certains raccrochent, il reste plus que les proches. Piquet, moi, c'est la dèche, mauvaise pêche, ma touche crèche. Comment faire pour viser le bénéf? Environnement sourd face à ma dèche. Certains raccrochent, il reste plus que les proches. Big game wesh, c'est la dèche, mauvaise pêche, ma touche crèche. Comment faire pour viser le bénéf? Je suis le personnage bizarre qu'on voit partout par hasard. Celui qui ignore peut-être me sera conscient tôt ou tard. Tire la balle à son tour, tente l'impossible, tourne autour du pot. Cours vers la pointe, c'est sa main, le tracker sur track. Claque tout sautant les uns les autres, apôtres unis. École primaire, première dans son genre. MC fier de faire partie des précurseurs qui prennent le raccourci. Le record des rapides, on le détient, en cadre poste si. Une peste pousse trop loin, le bouchon. Conviction, passage à l'action. Et j'agissais vite, c'est pas nouveau, j'avoue. Mais rien de mieux que remettre les choses à leur prix. Fini la carotte, maintenant je punis. Pour ma tranche de pain entre la cité et le pont. Arrivé à un stade, la vie frappe sur toi comme un ballon sur un crampon. D'un coup, manque de cran. On sait plus qui on doit craindre et on oublie que chauffe le chaudron. Bientôt prêt pour le jour où le mot pardon ne s'appliquera plus. Beaucoup seront perdus, moi dans la foule, aucune idée. Yo, tu sais ce que j'ai, pas de thune, pédale, même pas de deal. Mais je resterai quelqu'un d'inutile pour les autres. Même si on croit qu'on peut faire du bénéf sur moi et mon groupe. Et si j'écris, c'est pour moi, pour eux. Pas pour combler mes creux, sortir un album dit du marché. Parce que fils, c'est d'arche. Chacun pour se nettoyer d'herche. Cherche, trouve, n'écorche pas tes preuves. Te prive pas de parler. Si le silence est une arme, dormez. Et oubliez vos pistolets. Comme j'ai rien, je les volerai. Et si je finis par péter les plombs, bah, je ferai des vols à main armée. Je ferai des vols à main armée. Environnement sourd face à ma dèche. Certains raccrochent, il reste plus que les proches. Big game wesh, c'est la dèche, mauvaise pêche, ma touche crèche. Comment faire pour viser le bénéf? Environnement sourd face à ma dèche. Certains raccrochent, il reste plus que les proches. Big game wesh, c'est la dèche, mauvaise pêche, ma touche crèche. Comment faire pour niquer le bénéf? Ha! Yo, 5-5 chic. Big game game. Pour 9-9 blah, blah, blah.